section 61 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 61, La Cigarette, par Jules Claretti de l'Académie française. C'est du temps de la guerre de Don Carlos. La dernière, oui, monsieur. Tout ce pays basque, ces environs de Saint-Sébastien, ces montagnes des Guipuscoas, tout cela a senti le sang et la poudre, et pendant des mois, de longs, longs mois, vous avez dû voir bien des murs noirs et déchiquetés dans la campagne. Oui ? Eh bien, c'était des fermes, des maisons, des coins vivants et heureux. Maintenant, c'est des ruines, presque des cimetières. C'est la guerre. On se battait, il fallait voir, les carlistes d'un côté, les soldats du gouvernement de Madrid de l'autre. Il en a défilé, allé sur ses chemins, des morts et des blessés, de pauvres enfants qui se sentaient passés et qui se demandaient pourquoi. Pourquoi ? Les guerres civiles, ah, c'est du joli, les guerres civiles. Et quand on pense que cela peut recommencer demain, est-ce qu'on sait ? Les hommes sont si bêtes. Vous concevez, on nous dit un beau matin que le roi est là, que Don Carlos arrive. Alors, c'est simple, le vieux Levin se lève et voilà nos paysans basques courant au prétendant et lui fournissant une armée, histoire de porter un bel uniforme, le béret sur l'oreille, d'arriver clairant en tête dans les villages et, après avoir formé les faisceaux, d'y faire en chantant danser les filles. Histoire aussi d'entendre siffler les balles, car nos Basques sont braves, vivent de peu et meurent bien. Seulement, adieu les moissons, les pommiers, la vie du pauvre monde. On se battait toute la journée, on s'est battu pendant 3 ans. À un moment donné, monsieur, toutes ces routes défoncées étaient occupées par des hommes d'une même patrie qui ne songeaient qu'en s'entr'égorger. Vous savez l'histoire du blocus de Bilbao que les carlistes serraient comme dans des ténailles. Il s'agissait de délivrer la ville et entre Saint-Sébastien et Bilbao, les soldats de Don Carlos tenaient les défilés, repoussaient les assauts, battaient les colonnes de troupes qu'on lançait sur eux à la baïonnette. Le chef carliste qui commandait de ce côté s'appelait Zucaraga. Un héros, monsieur. Un ancien officier de l'armée qui avait renvoyé son épée au gouvernement de Madrid en disant « Donnez-la à un autre et qu'elle combatte contre moi. Celle que je porterai désormais, je la tiens de mon roi. » 30 ans, beau, grand, superbe. Il gardait la montagne par là et ne la lâchait pas. On envoyait contre lui les meilleures troupes et chaque jour des troupes fraîches. Nous les voyons revenir, les pauvres soldats, éclopés, décimés, avec leurs officiers portés sur des cacolets, sanglants, hochant la tête, disant « Voilà, c'est pour l'Espagne, qu'on tue l'Espagne !» Ce Zucaraga, sa réputation grandissait à chaque échec de l'armée nationale. On se disait « C'est Thomas Zumalacárregui qui revient. » Zumalacárregui, vous savez, le paladin de l'autre guerre carliste, dans le vieux temps. Jusqu'au nom, rappelant l'autre qui faisait de Zucaraga un homme de roman, un général de complainte populaire comme le Cid. Le général qui commandait à Hernani, oui, la petite ville où, à ce qu'on racontait l'autre jour la gazette, votre escribaniero Hugo a passé enfant et dont il a gardé le nom dans sa mémoire, le général qui lançait ses pauvres soldats sur les défilés défendus par Zucaraga, était fou de rage. Il s'était promis de forcer le passage, d'enfoncer les gens à béret, de trouer les lignes jusqu'à Bilbao. Ah bien oui, à chaque attaque, une défaite. À chaque assaut, une demi-déroute. Les troupes harassées rentraient le pied lourd et la tête basse, en laissant des morts par les chemins. Un soir, sur la place de l'Ayuntamiento, là-haut, contemplant ces soldats qui, lentement, sourdement, regagnaient éreintés leur cantonnement, tandis qu'au loin, du côté des monts, le canon de Zucaraga grondait toujours et que nous regardions la fumée monter du fond des vallées, le long des montagnes rougies, le général Garrido, tête blanche sous son rosse troué jadis de balles marocaines, dit, les poings fermés, l'œil chargé à la mitraille, « Ah, ce Zugaraga, ce misérable Zugaraga, je donnerais ma peau pour la sienne, et à qui le tuerait une fortune ?» Il était affolé de colère, pleurant à voir ses régiments fondre comme de la neige dans ses défilés. Il lui semblait que tous ces braves gens semés par la route, c'était de ses enfants qu'il perdait, qu'on lui éventrait. Et qui ? Zugaraga, les Basques de Zugaraga, les Carlistes. Le vieux Garrido n'avait pas fini de parler que sur cette place remplie de troupes, où le soir tombait, devant l'état-major du général, un grand beau garçon se planta et dit brusquement, regardant le soldat en face, « Me donneriez-vous ce que je vous demanderais si je frappais Zugaraga, moi ?»« Qui es-tu, toi ?» dit Garrido. « Un enfant du pays, Juan Araguil. Un homme qui n'a pas peur de mourir, mais qui a juré d'être riche. » Le général examinait l'homme des pieds à la tête. « Tu es du pays de Guipuscoa ? Pourquoi n'as-tu pas rejoint l'armée de Don Carlos ?»« Parce que je me moque de tout en ce monde, excepté d'une femme que j'aime. » « Une fiancée ? Ah, si c'était une fiancée ! Non, une fille de fermier, trop riche pour moi, qui suis trop pauvre et qui veut de l'argent pour l'épouser. » Il était bien connu dans le pays, cet Araguil, et nous savions tous son histoire, son amour pour la fille du père Chégaré, un bon laboureur guispocoan, maître de 4 ou 5 fermes bâties de ses côtés et propriétaire de coteaux où les pommiers craquaient sous les pommes et donnaient du cidre. Il fallait voir. Je n'en ai jamais goûté de votre cidre de France dont on nous parle tant. Mais n'est-ce pas qu'il ne faut point notre cidre de Guispocoa ? Ce n'est pas moi qui le dis. Le père Chégaré habitait entre Hernani et le fort de Santa Barbara, que vous avez vu, en venant de Saint-Sébastien. De Pepa, sa fille, le vieux Chégaray était fier comme un andalou de ses bijoux. Il se carrait, le fermier, quand il menait sa fillette aux vêpres et aux romeria dans nos fréries. C'est aux romeria qu'on se fiance, souvent sans que les parents soient consultés, en riant, en dansant, que c'est vite fait. Le cœur se prend et la vie se donne. Il y avait alors à Loloya, tout près d'ici, dans la vallée, là-bas, un beau grand diable qui papillonnait autour des jolies filles et qui avait bien, ma foi, toutes les qualités qui plaisent aux femmes, mais dans une de celles qui plaisent aux parents. C'était cet Araguil qui venait conter là ses ambitions au vieux général Garrido. Gai, ce garçon, toujours en train de folie, le premier au jeu de paume, agile, fort, batailleur, tuant des taureaux dans les novelliadas improvisées comme un casse-cou, espada de profession, prêt à se faire au premier propos venu trouer la peau et casser la tête. Et campé comme un roi, avec cela, l'air d'un cavalier et le menton toujours rasé de frais, avec une taille d'Hercule et une main de femme. D'ailleurs, pas le sou. Vivant au jour le jour, tantôt d'un prix de paume gagné sur ceux de Bilbao ou de Tolosa, tantôt d'un pari fait avec les toreros qu'il défiait à la course et au couteau, il fallait voir. Un jour, à Saint-Sébastien, comme la quadrilla affolée ne pouvait arriver à tuer le taureau, une bête noire furieuse tachetée de mousse rougie, bavant l'écume et suant le sang, Juan Araguil se met à siffler. Et les gens du cirque, spectateurs et toreros criant « Eh bien, dans l'arène alors, dans l'arène !»« Ah, Juan n'hésite pas, monsieur, il se lève, il saute, il prend à l'espada étonné ou peut-être enchanté de voir ce grand fou bientôt éventré. Il prend l'épée à poignée courte, vous savez, il la prend comme ça et se plantant devant le taureau, il le regarde. Il lui rit au naseau. Il lance la pointe en avant, là, au bon endroit, comme l'eût pu faire le tato ou l'agartijo, et comme une masse, boum, bam, le taureau tombe, tandis que Juan Araguil se tourne vers les toreros et leur dit, riant toujours, « Vous voyez, vous autres, pas madame. » Mais ce n'est pas tout. Ils étaient furibonds, les toreros, fous de colère en entendant les cris de la foule, les bravos qui saluaient Araguil et les sifflets qui souffletaient l'espada. Et les voilà qui se groupent, qui entourent Araguil, qui veulent la lui demander compte de son audace et peut-être, parbleu, lui faire un mauvais parti. Ah, bien. Bon. Araguil regarde ce cercle de gens enragés. Il prend son élan, saute par-dessus la tête du torero qui est devant lui et regagne les gradins en laissant encore former le cercle qui allait l'étouffer, l'étrangler. Le soir, il se battit au couteau derrière le cirque avec un des toreros qui lui enfonça sa navaja en plein poitrine. Juan Araguil resta 15 jours au lit, mais après la quinzaine, il n'y paraissait plus. Il était prêt à tuer encore un taureau, et cette fois, au besoin, un torero avec. Quand ils sont blessés, nos toreros, vous savez, cela ne tire pas aux conséquences. Leur peau se recoue, leur chair se refait. On les emporte troués de coups de corne, on les croit morts, un signe de croix bien requisca. Et on les retrouve au bout du mois, l'espada et la bandarilla à la main. Juan Araguil était pétri de cette patte-là. Coup de couteau ou coup de raquette, rien n'y faisait. Un homme en fer, un vrai basque. Il avait d'ailleurs des remèdes pour les blessures, ayant, puisqu'il faisait un peu de tout, fréquenter les rebouteux et les gens qui fabriquent avec les herbes de la montagne des pommades et des drogues pour vous remettre sur pied quand on a du mal. Il s'était même fait fabriquer, comme cela, une essence de je ne sais quelle méchante plante, fleur d'aconie ou autre, qu'il avait au doigt, dans une bague, disant qu'un homme doit toujours pouvoir être le maître de sa vie et qu'on n'a quelquefois pas, pour en finir quand on veut, son couteau sous la main. Un couteau. On vous l'arrache. Un anneau. Non. Et d'un geste des doigts à la lèvre, on est libre. Voilà. C'était un homme, cet Araguil. Un beau jour, ce beau garçon de 25 ans, qui avait été aimé sans aimer personne, rencontra, à la Romeria de Loyola, le lundi de Pâques, une jolie fille qui l'invita, comme les autres, à un tour de danse. C'était Pepa Chegaray. Cela tourne un peu le cerveau des jeunes, un air de valse. Et les guitareros, c'est mon avis du moins, est le grand maître de l'amour. Ni Juan ni Pepa ne devaient oublier cette première entrevue, cette danse en plein air, la musique accompagnant les sourires et la chanson, plus grisante que notre cidre. Le matin se lève une belle étoile. Du ciel, on dit que c'est la plus belle. Mais sur terre, ô mon aimé, il en est une plus brillante et qui n'a pas sa pareille au ciel. Et à celle-là va mon cœur, comme s'en va l'eau ou va la pente. Depuis ce lundi de Pâques, Juan Araguil, si gai d'habitude, était devenu farouche, parlant peu, très sombre, et le père Tiburcio Chegaray, là-bas, ne souriait plus guère. C'est ce diable d'amour qui passait par là. Oh, un amour complet, absolu, rapide comme un tonnerre. Il y en a comme ça. Elle rêvait de lui, et il ne pensait plus qu'à elle. Il était aussi triste qu'un jardin sans fleurs, et l'amour le rendait hargneux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un duro en poche, et que Pepa était riche, et surtout que cette part de fer de père Tiburcio avait dit à sa fille que jamais, jamais il ne donnerait Pepa à un homme qui n'avait pour fortune que sa balle de joueur de paume. Mais enfin, dit un jour Araguil au père Chegaray, Pepa même, elle me l'a dit. Elle me l'a dit aussi, fit le père. Moi, je l'adore, j'en suis fou, je me tuerais si vous ne me la donnez pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'avoir pour femme? Ce que j'ai fait moi-même, conclut le fermier, travailler et apporter au ménage de quoi nourrir les enfants. Je n'ai pas peiné toute ma vie pour jeter mon argent et ma fille à un coureur de Romerias. Quand tu viendras me dire que tu as ramassé un petit bien et que tu peux apporter ta part de pain et de sel, tu auras Pepa, puisqu'elle t'aime. Et ce qu'il faut apporter, c'est combien? Demanda Juan. 2000 duros. Cela fait 10 000 francs de votre monnaie. 2 000 douros, dit Araguil tout blême. Où ça se trouverait-il, ça? Je l'ai trouvé dans la terre, moi, répondit le fermier. Cherche. Et Tiburcio n'était pas de ceux qui, ayant parlé, reviennent sur leurs paroles, non. Araguil n'avait qu'à se tuer, comme il l'emmenait le vieux, ou à piocher pour ramasser la somme. Pépa, brave fille, ne désobéirait pas au père, mais très amoureuse du beau garçon, se résignait pourtant à attendre que Juan eût gagné le dot exigé. Seulement, dans leurs rencontres furtives ou leurs entretiens devant le vieux, elle ne cachait pas à Araguil qu'elle avait pour lui un de ces sentiments qui lient deux êtres jusqu'au sacrement dernier. Et elle lui avait même juré, juré sur le livre de messe de sa mère morte, qu'elle ne serait jamais à un autre si elle n'était pas à lui. Un serment pareil, prêté par une créature belle comme l'étoile au ciel, c'est bien fait pour donner du cœur à un audacieux. Il se dit, Juan, eh bien, oui, oui, je les aurai, les 2 000 douros. Je ne sais pas comment je les aurai, mais je les aurai. Et ce qu'il roula de projets dans sa cervelle, ce qu'il travailla. Il faillit se casser la tête contre le mur du jeu de paume de Saint-Sébastien, un jour que, pour un point, il perdit une partie engagée contre les champions de Tolosa. Les paris étaient gros, un commencement de fortune. Et pour un point, Araguil était battu, et ce d'Hernani avec lui. Il s'arrachait les cheveux, il se cognait le front, il était fou de colère. Et il les lui fallait, ces 2 000 douros, et Pépa lui avait dit « Ou la vie avec vous, ou avec personne, Araguil, mais j'obéirai à mon père vivant et je respecterai toujours la volonté de mon père mort. » Il en était venu, le pauvre Juan, à songer à quelques grands voyages. On lui disait que, là-bas, à La Plata, en Amérique, les Basques, parfois en émigrant, faisaient fortune. « Oui, monsieur, il paraît que les joueurs de paume de nos pays peuvent, à Buenos Aires, ramasser les pesetas à poignées. La jolie maison que vous verrez en retournant à Saint-Sébastien, à droite, appartient à un garçon d'Hernani qui a gagné du bien, comme cela dans le sud du Nouveau Monde. » Si l'idée de quitter Pépa, de ne plus l'apercevoir même de loin à la messe ou à vêpres, aux courses de taureaux, même à sa fenêtre quand il passait devant la ferme, n'avait pas porté à la tête d'Araguil, il serait parti certainement. Oui, parti. Et alors, trappeur, orpailleur, à l'aventure. Il eût cherché, puisque le vieux lui avait dit « cherche », il eût mieux fait que de rester. Toujours est-il que pendant ce temps, voilà que la guerre, la dernière guerre, met le feu, il n'y a pas d'autre nom, à ce pays-ci, et qu'il arrive ce que je vous ai dit devant Bilbao. Donc, pour y revenir, le général Garrido, désespéré, voit se planter devant lui ce grand garçon aventureux qui lui conte en deux mots son histoire. Et pendant que le vieux soldat du Maroc, battu par les carlistes, fronce les sourcils, Juan Araguil ajoute « Si la vie de Zucaraga vaut une fortune, comme vous le dites, général, je l'aurai. » La vie de Zucaraga vaut mieux qu'une fortune, répondit Garrido. Elle vaut l'existence de milliers de mes pauvres enfants. Zucaraga, c'est la résistance, c'est la clé de Bilbao, c'est la tuerie continuelle, c'est tout. Je n'ai pas d'ordre à te donner, tu n'es pas soldat. Mais si tu fais ce que tu annonces, rappelle-moi ce que j'ai dit. Bien, fit Juan. « À bientôt, général. » Le vieux Garrido avait haussé les épaules et un moment, il s'était demandé si cet homme-là n'était pas un espion. Araguil, lui, ne songeait qu'à une chose. La vie de Zugaraga valait une fortune. Et cette fortune, dont il se moquait comme d'un oignon cru, il ne la désirait que parce qu'elle lui donnait Pépa vivante. Il s'éloignait d'Hernani, disparu. On n'entendit plus parler de lui pendant plusieurs jours. Le général disait « J'ai eu affaire à un fou. » Et il prenait ses dispositions pour une attaque de nuit, voulant surprendre Zucaraga et forcer la passe à tâtons avec la lumière des coups de feu pour s'éclairer. Pendant ce temps, Araguil rôdait autour des retranchements carlistes. Le couteau en poche, ce couteau qu'il savait au besoin lancer comme une balle, planté de loin dans une cible, il attendait, couchant au hasard à la belle étoile qu'il put approcher de Zugarraga et débarrasser le vieux Garrido du chef carliste. Que lui faisait l'existence de ce commandant des partisans ? Guerre au canon, guerre au couteau, c'est toujours la guerre. On a bien le droit de tuer quand on sacrifie sa vie. Il se faisait tous ces raisonnements-là et guettait l'occasion. Une nuit, comme il s'approchait trop de la ferme, à demi démolie où Zugarraga couchait dans les décombres, la balle d'une sentinelle siffla près de la tête d'Araguine, si près qu'elle lui emportait un peu de chair de l'oreille gauche. Il n'y prit même pas garde et ne regrettait qu'une chose, c'est que la sentinelle carliste l'eût aperçue. Sans elle, il eût franchi le mur, sauté du côté de Zugarraga. C'était à recommencer. Eh bien voilà, il recommencerait le lendemain. Mais ce lendemain-là, c'était précisément le jour que Garrido avait choisi pour l'attaque de nuit. Juan Araguil, couché dans un fossé, tapi comme une bête au gîte, se proposait cette fois-ci d'arriver coûte que coûte jusqu'à Zugarraga, à l'heure même où le vieux Garrido lançait sur les carlistes une colonne d'attaque. Les premiers coups de feu de l'engagement étonnèrent Araguil. Les seconds lui firent plaisir, puisqu'on se battait. Zugarraga allait sortir, mener au feu ses soldats. Si Juan se glissait jusqu'à lui, c'était bientôt fait, le couteau au cœur et cette fois, non pas dans un guet-apens, mais en pleine bataille. Ah, le sang de Zugarraga valait une fortune. Le père Chégaray aurait ses 2000 douros, il les aurait, et tant pis pour les carlistes. On se battit fièrement cette nuit-là. Les soldats de Garrido étaient enragés, montaient à l'assaut des retranchements à la baïonnette et se heurtaient aux carlistes qu'ils croyaient surprendre et qui étaient debout. Dans la nuit noire, on s'égorgeait, s'étranglait. Les sabres trouaient les poitrines, les revolvers cassaient les têtes. On s'assassinait sans se voir. Et entre Espagnols, je vous le répète, ce n'est pas une misère. Et ça dura longtemps. Au petit jour, les soldats de l'armée étaient en retraite, une fois de plus, pauvres diables. Et ils en avaient perdu des leurs pour en arriver là. Attaque inutile. Nuit de sang, ajoutant une débâcle à une autre. Il allait encore pleurer de rage là-bas, le vieux Garrido. Au contraire, après s'être battu toute la nuit, les carlistes saluaient l'aurore en poussant des cris de joie. « Harry, Harry !» Puis, tout à coup, tout cela tomba, la joie, les cris, et il y eut chez eux un silence noir. On rapportait blessé à la jambe, l'os brisé, disait-on, Zugarraga, le chef invincible, celui dont la voix avait été partout entendue cette nuit-là, répétant « Allons, résistons, courage, mes enfants !» C'était devant la maison éventrée où il dormait d'ordinaire. Les prisonniers de l'armée madrilène, les carlistes en avaient fait beaucoup pendant la nuit, aperçurent ce magnifique et fier garçon, pâle comme son béret blanc, avec sa barbe noire, que ses officiers entouraient. Zugarraga ne pouvait plus se tenir debout. On le soutenait sous les aisselles. Quelques-uns de ses soldats apportèrent un escabeau et on l'assit dessus, la jambe allongée. Araguil regardait. Pris avec les soldats de Garrido, on l'avait avec eux gardé dans le tas et des sentinelles carlistes le surveillaient, fusils chargés avec les autres. Son couteau, son fameux couteau, ne lui avait pas servi. Se voyant pris, entraîné dans la déroute, cerné avec les prisonniers, il avait jeté, se disant « Ce sera pour une autre fois. » Et maintenant, probablement destiné à être passé par les armes, puisque lui seul parmi ses prisonniers n'avait pas d'uniforme. Il se disait que c'était fini, fini et que Pépa en épouserait un autre ou mourrait fille. Et ses yeux allaient, pleins de colère, vers cette proie humaine qui lui échappait, ce Zugarraga qu'il se mettait à haïr. Il ne savait pas pourquoi, ou plutôt parce que Zugarraga vivant, c'était sa vie à lui, Araguil manqué. Pépa perdu. Autour de Zugarraga, les officiers carlistes s'agitaient inquiets. Quelques-uns, à genoux, regardaient la blessure. L'un d'eux appela un chirurgien. « Le chirurgien ! Le chirurgien, valgam Dios ! Où donc est Urabieta ? Où est-il ? » C'était le chirurgien du détachement carliste. On le cherchait partout. Les officiers s'impatientaient. Zugarraga, souriant, très doux, disait, en faisant un signe de la main, Attendons, Urabietta s'est peut-être endormi. Il a dû avoir tant d'ouvrages cette nuit. » Tout à coup, un sergent accourut, allant vers les officiers, les larmes dans les yeux, très pâles. On venait, parmi les morts, de reconnaître Urabietta, le chirurgien tombé, frappé d'une balle sur le corps de Navarrais qu'il soignait. Cela s'était fait dans la nuit, comme tout le reste. Une balle égarée. Ces morceaux de plomb, ça tue aussi bien ceux qui soignent que ceux qui égorgent. Et alors, il y eut une stupeur parmi les carlistes. La blessure de Zugarraga pouvait être grave. Elle était grave. Et pas de chirurgien pour la soigner. Attendre qu'on appelât ceux des corps d'armée voisins, c'était dangereux. Il perdait beaucoup de sang, Zugarraga. Un de ses officiers marcha droit, alors, vers le tas de prisonniers et demanda très haut « Y a-t-il un chirurgien parmi vous ?» Les soldats de Garrido se regardèrent. Non, il n'y avait pas de chirurgien. Tous des soldats. Personne qui puisse faire un pansement ?« Si, répondit alors un homme, moi. Avance-toi. » L'homme sortit du tas des pauvres gens abattus, quelques-uns blessés. Il s'avança la tête haute. C'était Aragville. « Tu n'es pas soldat ?» dit l'officier. « Non. Pourquoi es-tu là ?»« Parce qu'on m'y a mis. Je ne me bats pas, moi. Je voulais à Bilbao, voir les miens. La bataille m'a empêché de passer. Voilà. »« Et tu connais quelque chose à la médecine ?»« Non, mais je sais guérir. Je suis un peu torero à mes heures. » L'officier défiant fit avancer Aragville jusqu'à Zugarraga, qui leva sur le beau garçon ses grands yeux noirs. Le chef carliste demanda alors des explications. Aragville inventa un roman. Il avait soif d'embrasser ses vieux, enfermés dans Bilbao. Ce n'était pas sa faute si la guerre civile séparait comme ça les familles. À travers les coups de feu, il allait, continuant sa vie. « Tu es du Pays basque. Pourquoi ne tues pas avec le prétendant légitime ?» demanda à son tour Zugarraga. « Parce que je ne suis avec personne. » Les officiers carlistes examinaient, étudiaient ce grand gars avec quelques doutes. La réponse amena des murmures chez eux. Zugarraga les fit cesser. « Chacun est libre, » dit-il doucement. Puis, son clair regard enfoncé dans les yeux de Juan, « Tu dis que tu sais guérir ? Peux-tu seulement me soulager ? Je souffre beaucoup. » Il montrait sa jambe nue, tachée de rouge, sous son pantalon relevé et lourd de sang. Aragüil ôta sa veste, déchira brusquement la manche gauche de sa chemise et, sur ce linge à pansement improvisé, il versa avec lenteur, sans qu'on ne le vît, tout en maniant le bout de toile, quelques gouttes d'une liqueur, celle qu'il gardait à son doigt dans sa bague. Puis blême, il fit deux pas vers Zugarraga, qui ne l'avait pas quitté de regard un moment. La main d'Aragüil ne tremblait pas en tenant ce linge imprégné d'une petite tache jaune. Comme il allait s'agenouiller devant Zugarraga, pour le panser, un des officiers dit au chef carliste « Nous ne connaissons pas cet homme. » L'autre répliqua toujours souriant « C'est vrai, mais on ne connaît ni le médecin ni le confesseur. » Et il tendit avec effort sa jambe blessée à Juan Aragüille. « Mais cette tache jaune ?» demanda un capitaine. « Un remède à moi, contre les blessures de la corrida, » fit Juan. « Va. » Le grand œil noir de Zugarraga ne quitta pas celui de Juan pendant toute l'opération, et le linge à peine appuyé sur la plaie, le partisan dit « Je me sens mieux déjà. » Puis à Juan « Maintenant, tu es libre. »« Mais général, » fit un officier. Zugarraga leva la tête. « C'est bien le moins, monsieur, que je rende à ce brave garçon service pour service. » En parlant à Aragüil, « Qu'est-ce que tu veux encore ?»« Rien, » dit l'autre. Zugarraga tira de la poche de sa tunique un petit porte-cigarette en paille de manille et le tendit à Juan, en souvenir de moi. Non, dit Juan. Oh, oh ! Et Zugarraga souriait. J'ai bien peur que tu ne chérisses pas beaucoup les serviteurs de Don Carlos. Tu ne veux rien de moi ? Si, une cigarette. Aragüil prit, dans le porte-cigarette, un papelito. Et machinalement, il regardait le tournant entre ses doigts avant de le mettre dans sa poche lorsque Zugarraga lui demanda « Ton nom ?»« Juan Aragüil. » Eh bien, Araguil, va avec Dieu et attends pour voir les tiens que nous entrions dans Bilbao. Ce ne sera pas long. Donne-moi la main. » Araguil, très pâle, serra la main qui lui tendait le blessé, remit sa veste et, droit, saluant les officiers, saluant les prisonniers, il s'éloigna très doucement, sans hâte, toujours suivi par le clair regard du héros carliste. Le soir même, à Hernani, dans la petite salle d'auberge qui lui servait de quartier général, le vieux Garrido vit arriver, amené par des soldats, le grand garçon qui lui avait parlé 6 jours auparavant sur la place de l'Ayuntamiento. Le général était furieux, congestionné, malade, parlant depuis la déroute de la nuit de se brûler la cervelle. Il reçut Araguil comme un chien. « Qu'est-ce que tu veux, toi ? Qui est-ce qui me dit que tu n'as pas averti ces misérables carlistes ? Ce que je veux, mon général, je veux parler à vous seul. » Oui, seul. Et le garçon avait dit cela d'un ton si net que le vieux Garrido devina quelque chose de décisif et fit signe à ses officiers de le laisser, l'homme et lui. « Eh bien quoi ? » dit-il alors quand ils furent seuls, ainsi que le demandait Juan. Araguil attendit un moment avant de parler, comme si la salive lui eût manqué. Puis, tout d'un coup, « Vous aviez dit, général, que la vie de Zugarraga valait une fortune. » Et Garrido ne répondant pas, « Cette fortune, je viens vous la réclamer. Je l'ai gagnée. » Le général regardait fronçant les sourcils, se demandant s'il entendait bien, et Araguil restait là debout devant lui, très pâle. « Comment gagner ? » fit Garrido après un moment. « Je ne comprends pas. »« C'est pourtant simple, » répondit Juan. « Zugarraga ne commandera plus le feu sur vos soldats. »« Il est mort ? » ?»« Il doit l'être. » Si ce n'est pas fini ce soir, ce sera pour demain. Le vieux Garrido était tout ému, la joue aussi blanche que sa moustache. Il voulut tout savoir, ne comprenant pas le « ce sera pour demain » d'Araguil. Et le garçon lui dit tout, et comment il avait épié le chef carliste, comment il voulait lui planter son couteau dans le cœur, et comment enfin il avait versé sur la plaie du blessé le poison de cet anneau qu'il gardait pour lui-même. Il semblait au général qu'il étouffait, étranglé par un cauchemar. Dans sa tête blanche, ses yeux noirs brûlaient comme du feu. Il se contentait de répéter « Tu as fait cela, toi ? Tu as fait cela ? Un blessé ?» Alors Juan, parlant comme un fou, de dire aussi qu'il en eût fait bien d'autres pour avoir Pepa et que le père Chégaré, exigeant 2000 douros de dot, ces 2000 douros, il les avait pris où il pouvait les trouver. D'ailleurs, le général avait dit, il en avait fait tuer et tuer encore et tuer toujours des gens et des braves gens, ce Zugarraga. Dans la bataille, oui, dit Garrido brusquement, dans la bataille. Mais ce n'était même pas une raison pour Araguil. La seule raison de ce qu'il avait fait, c'était sa passion pour Pepa. Il la voulait, Pepa. La vie de Zugarraga la lui donnait. C'était bien, voilà tout. Garrido avait promis. Araguil se présentait, réclamant la dette. Le général dit « C'est juste ». Il demanda la demeure de Pepa, appela un aide-de-camp, lui dicta l'adresse et montrant Araguil « Vous logerez cet homme à la Fonda del Sol et demain vous avertirez l'aumônier. Oui, pour un mariage. Allez !» Le temps parut long à Juan qui passa la nuit dans la Fonda changée en corps de garde. Une nuit, une lente nuit, avec des aboiements de chiens au loin, des hurlements qui sentent la mort et des coups de feu là-bas vers les avant-postes carlistes. Au matin, il s'endormit légèrement, rêvant de Pepa et mettant en son rêve des pièces d'or dans la main maigre du vieux Chégaré, la dot d'une vivante, le prix d'un cadavre. Il était grand jour quand un détachement de soldats, commandé par un sergent, vint chercher Juan. Qui le demandait ? Le général. D'ailleurs, aux questions d'Araguil, le sergent ne répondait pas. On monta la grande rue d'Hernani, la ruelle aux maisons pressées, tassées avec des armoiries anciennes sculptées dans le grès des murailles et des moucharabis jaunes, bleus, qui vous ont paru si jolies tout à l'heure. Puis on s'arrêta sur la grande place. Un temps superbe, avec un beau soleil, riant sur les murs roux de l'église et les murailles effondrées, noires d'incendie de l'hôtel de ville. La place était pleine de monde. soldat en rang, près des marches de l'église. Très pâle, Garrido en grande tenue, ses officiers auprès de lui et à quelques pas, belle comme une sainte dans ses voiles noires de costume de fête, Pepa, avec le vieux Chégaré, debout près d'elle. Araguil fit tout cela d'un coup d'œil. Les troupes assemblées, avec leurs baïonnettes luisant au soleil, le général, la belle fille, et à travers la porte ouverte de l'église là-bas, au fond, une chapelle ardente, la grande chapelle ruisselante de lumière et d'or. On l'amena devant Garrido. Araguil jetait à Pepa des regards profonds et elle, de ses yeux noirs sous l'ombre des cils, le contemplait d'un air étrange et il semblait à Juan que le livre de messe à tranches dorées qu'elle tenait entre ses doigts, le livre sur lequel elle avait juré d'être sa femme, tremblait dans ses mains gantées de noir. Le général dit « Faites venir le prêtre ». Le prêtre apparut sur les marches de pierre comme s'il eût attendu l'ordre du général. Un prêtre en chape blanche qui s'arrêtait sur le seuil, immobile comme une statue, pendant que gaiement les lourdes cloches du campanile, avec leurs bouches de canon, entonnaient l'hosanna des jours fériés, la gaie chanson des mariages et des heureux. « Tiburcio Chégaré, » dit alors le général en s'adressant au vieux fermier, « voici Juan Araguil qui a en dot les 2000 douros exigés par vous pour lui donner votre fille. » Ce qui est promis est dû. Consentez-vous au mariage de Juan Araguil avec votre enfant ? Le vieux Chégaré répondit d'une voix rauque : Oui. Juan Araguil, dit Garrido, vous consentez à prendre pour femme Pepa Chégaré ? Oui, fit Juan, la voix ardente. Il avait mis dans ce oui toute sa vie. Le prêtre attendait prêt à bénir. Pepa Chégaré, demandait Garrido en se tournant vers la jeune femme. « Consentez-vous à prendre pour époux Juan Araguil, ici présent ?» Pepa fit deux pas vers Juan, leva sur lui ses beaux yeux noirs et répondit « Non ». Dans la foule, derrière les soldats, il y eut une clameur « Ah ah !» terrible. Les soldats immobiles regardaient. « Non !» répétait la jeune fille en élevant la voix. « J'ai juré de n'être qu'à toi. » Et l'ayant juré, je ne serai à personne, mais je ne serai pas à un lâche. Juan Araguil avait l'air d'un fou en la regardant, hagard, blanc comme la chape du prêtre. Au loin, très loin, du fond de la vallée, on entendait maintenant monter tristement par-delà les collines, un morne son de cloche, le bruit du glas, la longue plainte de la cloche pleurant les morts. Il sonnait la prière des agonisants, les carlistes et le poison faisaient son œuvre. Et peu à peu, comme s'ils eussent à leur tour salué le mourant, les cloches d'Hernani s'étaient tues. Elles restaient là-haut, silencieuses, ne laissant plus parler que le glas lointain. Puis, tout à coup, le glas lui-même s'arrêta, et sur la place emplie de monde, un silence passa comme si le vent eût soufflé sur ses têtes la nouvelle que tout était fini là-bas. « Zugarraga est mort, » dit le vieux Garrido. Araguil regarda Pepa ardemment, la suppliant de lire en lui. « C'est pour toi, c'était pour toi, » dit-il farouche. Pepa détourna la tête. Le général froidement dit alors à Juan, « Araguil, que voulez-vous qu'on fasse de vos 2000 douros ?»« L'argent. » Araguil avait compris. « Qu'on le donne aux pauvres. Je ne veux même pas une croix pour moi au cimetière. » Il ajouta, montrant le peloton qui l'avait escorté. « C'est pour moi cela, n'est-ce pas ?»« Araguil, on ne tue pas un soldat par le poison, » répondit Garrido. Alors Juan Araguil fit le signe de la croix, s'agenouilla devant le prêtre et dit à haute voix « Dieu me fasse grâce !» Les cloches d'Hernani maintenant sonnaient aussi le glas des trépassés comme celle de la plaine au bas de la colline de Santa Barbara. Juan se releva, prit dans la poche de sa veste une cigarette, la cigarette de Zugarraga, et demanda au sergent un peu de feu. Le papelito allumé, il le porta à ses lèvres, salua d'un dernier regard Pepa, qui fit un mouvement pour aller à lui, mais se raidit et resta immobile. Et le grand beau garçon, souriant d'un sourire triste, releva le front et disparut dans l'entourage de soldats à qui Garrido fit un signe. Pepa alors se retourna, cherchant à le voir, à le revoir encore. Elle n'aperçut plus rien dans le cercle des fusils s'éloignant, là-bas le long de l'église. Elle ne vit plus qu'un peu de fumée bleue, de fumée qui montait au-dessus des têtes dans le scintillement des baïonnettes et se perdait dans le ciel clair. Et des chants commençaient, des prières dans l'église, pendant que là-bas, le long de ce mur roux, dans du soleil, Juan Araguil aspirait la dernière bouffée de sa cigarette. Pepa, alors, à travers le grand silence de mort qui passait sur la place, entendit un lointain commandement, et comme un bruit de fusil remué, puis distinctement ce mot arrivait jusqu'à elle, « Feu !» Elle tomba à genoux, écrasée, commençant à voix haute, « Notre Père qui es aux cieux. » Mais la décharge qui suivit coupa brusquement sa prière. Juan Araguil, encore debout le long du mur du presbytère, la poitrine plaquée de sang, s'abattait en même temps le front contre terre. Quand le sergent s'approcha du corps pour lui donner le coup de grâce dans l'oreille, la cigarette que Juan tenait pliée entre ses doigts laissait encore monter un filet de fumée bleue. La cigarette Sugaraga. Et cette fumée survivait à Sugaraga. Le héros et à Araguil, le meurtrier. Fin de la section 61, lu par Agnès Aubi, 2025.